Toujours en Corée, à l'occasion de l'été, la maison de repos du Mont Songwak de la ville de Kaesong a ouvert sa porte pour les vétérans de guerre. Elle organise la rencontre avec des élèves et d'autres activités culturelles, de sorte qu'ils passent des jours agréables en bonne santé.